Faudra qu'on m'explique, quoi, faudra qu'on m'explique si c'est meilleur pour la santé. Un steak aux hommes qu'une feuille pour dessiner. Faudra qu'on m'explique, quoi, faudra qu'on m'explique si c'est plus nourrissant. Un steak rempli de plastique, un dessin rassurant. Faudra qu'on m'explique, quoi, faudra qu'on m'explique si c'est plus vital de dessiner pour s'évader. Bouffer du minerai animal. Rapport à ce qu'on a le droit d'acheter. Qui a fait le choix de ce qui est primordial. Rapport à ce qu'on a le droit d'acheter. Qui a fait le choix de ce qui est primordial. Faudra qu'on m'explique, faudra qu'on m'explique si c'est plus vital de dessiner pour s'évader. Bouffer du minerai animal. Faudra qu'on m'explique, faudra qu'on m'explique si c'est plus nourrissant. Un steak rempli de plastique, un dessin rassurant. Faudra qu'on m'explique, faudra qu'on m'explique si c'est meilleur pour la santé. Un steak aux hormones qu'une feuille pour dessiner. Faudra qu'on m'explique, faudra qu'on m'explique, faudra qu'on m'explique.